Voilà, donc je te présente la chanson la plus pourrie de l'album qui s'intitule Que les people sont des cons. Et vu que c'est des cons, bah je vais pas me faire chier à chanter cette chanson. En fait, là, si tu veux, c'est le refrain. Allez, hop là! Je suis son paf, paf pouf pif. M'en prends tant que temps dans le pif. Ah, je suis trop de conne. Les people